Les mariés de la Tour Eiffel. Les mariés de la Tour Eiffel ont été représentés pour la première fois le soir du 18 juin 1921 au Théâtre des Champs-Élysées par la compagnie des ballets suédois de M. Rolf de Marais. Décor. Première plateforme de la Tour Eiffel. La toile du fond représente Paris. À vol d'oiseau, à droite, au second plan, un appareil de photographie de taille humaine. La chambre noire forme un corridor qui rejoint la coulisse. Le devant de l'appareil s'ouvre comme une porte pour laisser entrer et sortir des personnages. À droite et à gauche de la scène, au premier plan, à moitié caché derrière le cadre, se tiennent deux acteurs vêtus en phonographe. La boîte contenant le corps, le pavillon correspondant à leur bouche. Ce sont ces phonographes qui commentent la pièce et récitent les rôles des personnages. Ils parlent très fort, très vite et prononcent distinctement chaque syllabe. Les scènes se jouent au fur et à mesure de leur description. Le rideau se lève sur un roulement de tambour qui termine l'ouverture. Décor vide. Phono 1. Vous êtes sur la première plateforme de la Tour Eiffel. Phono 2. Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine, elle sort. Voici le chasseur. Il cherche l'autruche, il lève la tête. Il voit quelque chose. Il épaule, il tire. Phono 1. Ciel, une dépêche. Une grande dépêche bleue tombe des frises. Phono 2. La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel. Il apparaît. Phono 1. « Ah ça, monsieur, vous croyez donc à la chasse ?» Phono 2. « Je poursuivais une autruche. J'ai cru l'avoir prise dans les mailles de la Tour Eiffel. » Phono 1. « Et vous me tuez une dépêche ?» Phono 2. « Je ne l'ai pas faite exprès. » Phono 1. « Fin du dialogue. » Phono 2. « Voici le photographe de la Tour Eiffel. Il parle. Que dit-il ?» Phono 1. « Vous n'auriez pas vu passer une autruche ?» Phono 2. « Si, si, je la cherche. » Phono 1. Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis « ne bougeons plus, un oiseau va sortir », c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame « un petit oiseau va sortir » et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire rentrer dans l'appareil. Phono 2. Mesdames, messieurs, la scène se corse, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse. Phono 1. Il l'ouvre. Phono 2. Directeur Tour Eiffel, viendront noces, déjeuner, prière, retenir table. Phono 1. Mais cette dépêche est morte. Phono 2. Ah, c'est justement parce qu'elle est morte que tout le monde la comprend. Phono 1. Vite, vite. Nous avons juste le temps de servir la table. Je vous supprime votre amende. Je vous nomme garçon de café de la Tour Eiffel. Photographe à votre poste. Phono 2. Ils mettent la nappe. Phono 1. Marche nuptiale. Phono 2. Le cortège. Marche nuptiale. Les phonos annoncent les personnages de la noce qui entrent par couple en marchant comme les chiens, dans les pièces de chiens. Phono 1. La mariée, douce comme un agneau. Le beau-père, riche comme Crésus. Le marié, joli comme un cœur. La belle-mère, fausse comme un jeton. Le général, bête comme une oie. Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabel. Les garçons d'honneur, forts comme des Turcs. Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses. Le directeur de la Tour Eiffel leur fait les honneurs de la Tour Eiffel. Il leur montre Paris à vol d'oiseau. Phono 2. J'ai le vertige. Le chasseur et le directeur apportent une table avec les assiettes peintes dessus. La nappe touche par terre. Phono 1. Le général s'écrie à table, et la noce se met à table. Phono 2. D'un seul côté de la table pour être vu du public. Phono 1. Le général se lève. Phono 2. Discours du général. Le discours du général est à l'orchestre. Il le gesticule seulement. Phono 1. Tout le monde est ému. Phono 2. Après son discours, le général raconte les phénomènes de mirage dont il fut victime en Afrique. Phono 1. Je mangeais une tarte avec le duc d'Aumale. Cette tarte était couverte de guêpes. Nous essayâmes en vain de les chasser. Or, c'était des tigres. Phono 2. Quoi ? Phono 1. Des tigres. Ils rôdaient à plusieurs milles. Un phénomène de mirage les projetait en tout petit au-dessus de notre tarte et nous les faisait prendre pour des guêpes. Phono 2. On ne dirait jamais qu'il a 74 ans. Phono 1. Mais quelle est cette charmante cycliste en jupe culotte ? Entre une cycliste. Elle descend de sa machine. Phono 2. Pardon, messieurs. Phono 1. Madame, qu'y a-t-il pour votre service ? Suis-je bien ici sur la route de Chatou ? Oui, madame, vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway. C'est le général qui répond à la cycliste, car il vient de la reconnaître pour un mirage. La cycliste remonte en selle et sort. Phono 1. Mesdames, messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la Tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route de Chatou. Phono 2. Après cet intermède instructif, le photographe s'avance. Que dit-il ? Von Rouen. Je suis le photographe de la Tour Eiffel et je vais faire votre photographie. Von Rouen et Von Rouen. Oui, oui, oui, oui, Von Rouen. Formez un groupe. La noce forme un groupe derrière la table. Von Rouen. Vous vous demandez où sont partis le chasseur d'autruche et le directeur de la Tour Eiffel. Le chasseur cherche l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche le chasseur et dirige la Tour Eiffel. Ce n'est pas une sinécure. La Tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche, Von Rouen. C'est la reine de Paris, Von Rouen. Elle était reine de Paris. Maintenant, elle est demoiselle du télégraphe, Von Rouen. Il faut bien vivre, Von Rouen. Ne bougeons plus. Souriez. Regardez l'objectif, un oiseau va sortir. Sort une baigneuse de Trouville. Elle est en maillot, porte une épuisette contenant un cœur et un panier en bandoulière, éclairage colorié. La noce lève les bras au ciel. Von Rouen, oh, la jolie carte postale! Danse de la baigneuse. Le photographe ne partage pas les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaye de faire rentrer la baigneuse de Trouville. Von Rouen. Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui fait croire que c'est une cabine de bain. Fin de la danse. Le photographe jette un peignoir éponge sur les épaules de la baigneuse. Elle rentre dans l'appareil en sautillant et en envoyant des baisers. Von Rouen et Von Rouen. Bravo, bravo. Bis, bis, bis. Von Rouen, encore. Si je savais d'avance les surprises que me réserve mon appareil détraqué, je pourrais organiser un spectacle. Hélas, je tremble chaque fois que je prononce les maudites paroles. Sait-on jamais ce qui peut sortir? Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Il salue. Von Rouen et Von Rouen. Bravo, bravo, bravo, Von Rouen. Mesdames, messieurs, malgré mon vif désir de vous satisfaire, la limite d'heure m'empêche de vous présenter une seconde fois le numéro « Baigneuse de Trouville ». Von Rouen et Von Rouen. Si, si, si, Von Rouen. Le photographe ment pour arranger les choses et pour avoir du succès. Il regarde sa montre, déjà 2 heures, et cette autruche qui ne rentre pas, Von Rouen. La noce forme un autre tableau. Madame, votre pied gauche sur un des éperons. Monsieur, accrochez le voile à votre moustache. Parfait. Ne bougeons plus. 1, 2, 3. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir. Il presse la poire. Sort un gros enfant. Il porte une couronne de papier vert sur la tête. Sous les bras, des livres de prix et une corbeille. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Voilà encore un des dangers de la photographie. Cet enfant est le portrait de la noce. Du reste, écoutez-le. C'est le portrait de sa mère. C'est le portrait de son père. C'est le portrait de sa grand-mère. C'est le portrait de son grand-père. Il a la bouche de notre côté. Il a les yeux d'une autre. Mes chers parents, en ce beau jour, acceptez tous mes voeux de respect et d'amour. Le même compliment vu sous un autre aspect. Acceptez tous mes voeux d'amour et de respect. Et il aurait pu apprendre un compliment moins court. Acceptez tous mes voeux de respect et d'amour. Von Rouen, il sera capitaine. Von Rouen, architecte. Von Rouen, boxeur. Von Rouen, poète. Von Rouen, président de la République. Von Rouen, c'est un beau petit mort pour la prochaine guerre. Von Rouen, que cherche-t-il dans son panier? Von Rouen, des balles. Von Rouen, que fait-il avec ses balles? On dirait qu'il prépare un mauvais coup. Von Rouen, il massacre la noce. Von Rouen, il massacre les siens pour avoir des macarons. L'enfant bombarde la noce qui s'effondre en criant. Von Rouen, grâce. Von Rouen, quand je pense au mal que nous avons eu à l'élever. Von Rouen, à tous nos sacrifices. Von Rouen, misérable. Je suis ton père. Von Rouen, arrête, il en est temps encore. Von Rouen, n'auras-tu pas pitié de tes grands-parents? Von Rouen, n'auras-tu pas le respect du galon? Von Rouen, pan, pan, pan. Von Rouen, je te pardonne. Von Rouen, sois maudit. Von Rouen, il ne reste plus de balles. Von Rouen, la noce est massacrée. Von Rouen, le photographe court après l'enfant. Il le menace du fouet. Il lui ordonne de rentrer dans la boîte. Von Rouen, l'enfant se sauve. Il hurle, il trépigne, il veut vivre sa vie. Von Rouen, je veux vivre ma vie, je veux vivre ma vie. Von Rouen, mais quel est cet autre tapage? Von Rouen, le directeur de la Tour Eiffel, que dit-il? Von Rouen, un peu de silence, s'il vous plaît. Ne faites pas peur aux dépêches. Von Rouen, papa, papa des dépêches. Von Rouen, il y en a de grosses. Von Rouen, la noce se relève. Von Rouen, on. Von Rouen, entendrait. Von Rouen, voler. Von Rouen, une. Von Rouen, mouche. Von Rouen. Les dépêches prises tombent en scène et se débattent. Toute la noce court après et leur saute dessus. Von Rouen, là, là, là, j'en tiens une. Moi aussi, au secours, à moi, elle me mord. Tenez bon, Von Rouen. Les dépêches se calment, elles se rangent sur une ligne. La plus belle s'avance et fait le salut militaire. Von Rouen, mais qui donc êtes-vous? Phono 2. Je suis la dépêche sans fil, et comme ma sœur la cigogne, j'arrive de New York. Phono 1. New York, ville des amoureux et des contre-jours. Phono 2. En avant la musique. Danse des dépêches, sortie des dépêches. Phono 1. Mon gendre, remerciez-moi. Qui a eu l'idée de venir sur la tour Eiffel? Qui a eu l'idée de mettre la noce en 14 juillet? Phono 2. L'enfant trépigne. Phono 1. Papa! Papa! Phono 2. Que dit-il? Phono 1. Je veux qu'on me tire en photographie avec le général. Phono 2. Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justin? Phono 1. Soit! Phono 2. Pauvre photographe. La mort dans l'âme, il charge son appareil. Phono 1. L'enfant, à cheval sur le sabre, fait semblant d'écouter le général qui fait semblant de lire un livre de Jules Verne. Photo 2. Ne bougeons plus, c'est parfait, un oiseau va sortir. Sort un lion. Phono 1. Grand Dieu, un lion. Le photographe se cache derrière son appareil. Toute la noce monte dans les guipures de la tour Eiffel. Le lion regarde le général car seul le général ne bouge pas. Il parle. Que dit-il? Phono 2. N'ayez pas peur. Il ne peut y avoir de lion sur la tour Eiffel. Donc c'est un mirage, un simple mirage. Les mirages sont en quelque sorte le mensonge du désert. Ce lion est en Afrique, comme la cycliste était sur la route de Chatou. Ce lion me voit, je le vois, et nous ne sommes l'un pour l'autre que des reflets. Phono 1. Pour confondre les incrédules, le général s'approche du lion. Le lion pousse un rugissement. Le général se sauve, suivi par le lion. Phono 2. Le général disparaît sous la table. Le lion disparaît derrière lui. Phono 1. Après une minute qui semble un siècle, le lion sort de sous la nappe. Phono 2. Horreur. Horreur. Ah ! Phono 1. Que tient-il dans sa gueule ? Phono 2. Une botte avec un éperon. Phono 1. Après avoir mangé le général, le lion rentre dans l'appareil. Plainte funèbre. Phono 1 et Phono 2. Ah ! Phono 1. Pauvre général. Phono 2. Il était si gai, si jeune de caractère. Rien ne l'aurait plus amusé que cette mort. Il aurait été le premier à en rire. Phono 1. Funérailles du général. Cortège funèbre. Phono 2. Le beau-père parle sur la tombe. Que dit-il? Phono 1. Adieu, adieu, vieil ami. Dès vos premières armes, vous avez fait preuve d'une intelligence très au-dessus de votre grade. Votre fin est digne de votre carrière. Nous vous avons vu, bravant le fauve, insoucieux du danger, ne le comprenant pas et ne prenant la fuite qu'une fois que vous l'aviez compris. Encore une fois, adieu, ou plutôt au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre. Phono 2, 3 heures. Et cette autruche qui ne rentre pas. Phono 1, elle aura voulu rentrer à pied. Phono 2, c'est stupide, rien n'est plus fragile que les plumes d'autruche. Phono 1, attention. Phono 2. Les mariés de la tour Eiffel, quadrille, par la musique de la garde républicaine, direction Paresse. Phono 1 et Phono 2. Bravo, bravo, vive la garde républicaine. Quadrille, fin du quadrille. Phono 2. Ah, quelle danse, Phono 1. Votre bras, Phono 2. Monsieur le photographe, vous ne refuserez pas une coupe de champagne. Phono 1. Vous êtes trop aimable, je suis confus. Phono 2. À la guerre comme à la guerre, mais que veut mon petit-fils? Phono 1. Je veux qu'on m'achète du pain pour donner à manger à la tour Eiffel. Phono 2. On le vend en bas, je ne vais pas descendre. Phono 1. Je veux donner à manger à la tour Eiffel. Phono 2. On lui donne qu'à certaines heures, c'est pour ça qu'elle est entourée de grillages. Phono 1. Je veux donner à manger à la tour Eiffel. Phono 2. Non, non et non. Phono 1. La noce pousse des cris, car voici l'autruche. Elle s'était cachée dans l'ascenseur. Elle cherche une autre cachette. Le chasseur approche. Le photographe voudrait bien qu'elle profite de l'appareil. Phono 2. Il se souvient qu'il suffit de cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible. Phono 1. Il lui cache la tête sous son chapeau. Il était temps. L'autruche se promène invisible, un chapeau sur la tête, entre le chasseur. Phono 2. Avez-vous vu l'autruche? Phono 1 et Phono 2. Non, non, non, nous n'avons rien vu. Phono 2. C'est étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plateforme. Phono 1. C'est peut-être une vague que vous avez prise pour une autruche. Phono 2. Non, la mer est calme. Du reste, je vais la guetter derrière la boîte de ce photographe. Phono 1. Aussitôt dit, aussitôt fait. Phono 2. Le photographe s'approche de l'autruche sur la pointe des pieds. Que lui dit-il? Phono 1. Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il ne vous a pas reconnu sous votre voilette. Dépêchez-vous, j'ai un fiacre. Phono 2. Il ouvre la portière de l'appareil. L'autruche disparaît. Phono 1. Sauvez mon Dieu. Phono 2. Vous imaginez le bonheur du photographe. Il pousse des cris de joie. Phono 1. La noce l'interroge. Phono 2. Messieurs et dames, je vais enfin pouvoir vous photographier tranquillement. Mon appareil était détraqué, il fonctionne, ne bougeons plus. Phono 1. Mais Quels sont ces deux personnages qui viennent déranger le photographe von O2? Regardez, la noce et le photographe se figent. La noce est immobile. Ne la trouvez-vous pas un peu... von O1, un peu gâteau, von O2. Un peu bouquet, von O1. Un peu joconde, von O2. Un peu chef-d'œuvre, von O1. Le marchand de tableaux moderne et le collectionneur moderne s'arrêtent devant la noce. Que dit le marchand de tableaux, von O2? Je vous mène sur la tour Eiffel pour vous faire voir avant tout le monde une chose unique, la noce, von O1. Et le collectionneur répond, von O2, je vous suis les yeux fermés, von O1. Hein, est-ce beau? On dirait un primitif, von O2. De qui est-ce, von O1? Comment de qui est-ce? C'est une des dernières choses de Dieu, von O2. Elle est signée, von O1. Ah, Dieu ne signe pas, est-ce peint, quelle pâte? Et regardez-moi ce style, cette noblesse, cette joie de vivre, on dirait un enterrement, von O2. Je vois une noce, von O1, vous voyez mal. C'est plus qu'une noce, c'est toutes les noces, plus que toutes les noces. C'est une cathédrale, von O2. Combien la vendez-vous, von O1? Elle n'est pas à vendre, sauf pour le Louvre et pour vous. Tenez, au prix d'achat, je vous l'offre, von O2. Le marchand montre une grande pancarte. La pancarte porte le chiffre milliers, milliers, millions. Von O1, le collectionneur va-t-il se laisser convaincre? Que dit-il, von O2? J'achète la noce. Le marchand retourne la pancarte, on lit « vendu » en grosses lettres. Il la pose contre la noce. Von O1. Le marchand de tableau s'adresse au photographe. Von O2. Photographiez-moi cette noce avec la pancarte. Je voudrais les faire paraître dans les magazines américains. Von O1. Le collectionneur et le marchand de tableau quittent la tour Eiffel. Von O2. Le photographe s'apprête à prendre la photographie, mais au prodige. Son appareil lui parle. Von O1. Que lui dit-il, l'appareil? Je voudrais... Von O2, parle, mon beau signe. Je voudrais rendre le général. Von O2, il saura bien se rendre lui-même. Von O1, le général reparaît, il est pâle. Il lui manque une botte, somme toute, il arrive de loin. Il racontera qu'il revient d'une mission sur laquelle il doit garder le silence. La noce ne bouge pas. Tête basse, il traverse la plateforme et prend une pose modeste parmi les autres. Von O2. Voilà une bonne surprise pour le collectionneur de chefs-d'œuvre. Dans un chef-d'œuvre, on n'a jamais fini de découvrir des détails inattendus. Von O1, le photographe se détourne. Il trouve la noce un peu dure. Si elle reproche au général d'être vivant, le général pourrait lui reprocher de s'être laissé vendre. Von O2, le photographe a du cœur. Von O1, il parle. Que dit-il, Von O2? Allons, mesdames, messieurs, je vais compter jusqu'à 5. Regardez l'objectif, un oiseau va sortir. Von O1, une colombe. Von O2, l'appareil marche. Von O1, la paix est conclue. Von O2, une. Le marié et la mariée se détachent du groupe, traversent la scène et disparaissent dans l'appareil. Deux. Même jeu pour le beau-père et la belle-mère. Trois. Même jeu pour les premiers garçons et demoiselles d'honneur. Quatre. Même jeu pour les deuxièmes garçons et demoiselles d'honneur. Cinq. Même jeu pour le général, seul, tête basse, et l'enfant qui le traîne par la main. Von O1. Entre le directeur de la tour Eiffel. Il agite un porte-voix, von O2. On ferme, von O1. Il sort, von O2. Entre le chasseur, il se dépêche, il court jusqu'à l'appareil. Que dit le photographe, von O1? Où allez-vous, von O2? Je veux prendre le dernier train, von O1. On ne passe plus, von O2. C'est honteux, je me plaindrai au directeur des chemins de fer, von O1. Ce n'est pas ma faute, tenez votre train, le voilà qui part. L'appareil se met en marche vers la gauche, suivi de son soufflet, comme de wagons, par des ouvertures, on voit la noce qui agite des mouchoirs et par-dessous, les pieds qui marchent. Rideau.